nous se serons de passer et nous passerons. Restez là aux Champs-Élysées, garde les marchandises. La route est-elle libre? Oui, mais car aux surprises, j'ai sur la pêche où devons passer. Puis trois douaniers, ils vont nous en débarrasser. Prenez les ballons et partons, il faut passer, nous passerons. Thank you.